Avant, ce n'était jamais assez. Maintenant, c'est plus rien. Je n'aime pas le dire, mais c'était mieux avant. Parce qu'avant, maintenant, ce serait assez, ce serait le bonheur. Je m'en aperçois, c'est terrible, bien après l'irréversible. Et je me retrouve seul, avec ces remords forts. Y'a pas de colle assez forte pour réparer les choses. Se résigner à peine, autant de fois que les pensées assaillantes étaient dues, viennent frapper les crânes. Avec autant de force, de violence et de furie, qu'un tsunami qui déchire. Mais tous les jours je ris, et quand je pleure je dis que c'est le vent qui trimballe des morceaux de soleil, de l'allergie capricieuse, du pollen glacé d'hiver qui vient noyer mes paupières. Malgré l'absence, rien ne faiblit. En moi, c'est toujours l'incendie. J'aimerais tant que ce cœur vous dit arrête de battre la